Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir Freddy. Bonsoir Romain, comment ça va? Ben ça va bien et toi? Ben ça va. Ça va, ça va. Yeah? Yeah. It's, you know, the temperature are fairly decent. Yes. Feels actually good. As far as Minnesota goes. Yeah. And, true. Yeah. I was saying, like, so I have my kids all week, and I was saying, like, they were home, but I was saying on Facebook that I need to get my butt out while it's not too cold. Uh-huh. I mean, it's a little bit sloppy and stuff, but with the boots, that should be all right. I need to go back on walking more often. Yeah, I haven't done that for a while. And I mean, it's slippery and... No. Yeah, I mean, like a week or two ago with the snow, with the ice underneath and stuff, it's not really easy. And there are some people who don't clean their sidewalk either. I know. I had to complain to the city. Mm-hmm. Like there was one business, they were doing the front, but they were not doing the back. Mm-hmm. The back was pretty important. Yeah. So. Oh, well. They done it. Oh, since. Well, yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah, yeah. I think they get fined. I mean, the city shows up and do it for them. Mm-hmm. And... they are charging like $500 an hour or something like that. That's okay, what we should do. Maybe not that much. Yeah, maybe not that much, but still. So tonight I prepared a playlist from 2022 again. Cool. Not the top 10. So last week we really had that's the last, the top 10, but from the bottom. The worst songs of 2022. Yes. according to my parents and... and they are... And, well... Everybody. No, it's just like some albums came out in 2022 mm-hmm. and some of the they were not in the singles. In the top 10. Top 10 singles. Of course so, not. Yeah. And they are still very good. So, yeah, we're going to listen to various, I mean, a lot of bands that we know already. I mean, I see some that, you know, Black M is pretty well known, or Christine and the Queen and Cœur de Pirate. I mean, you know. We know them, but it's just like, they just didn't make it to the top 10. Exactly. So we'll do that tonight. I still forgot my list about the events of 2022 that I wanted to recap, but, you know. Well, you'll do it next week. Yeah. Watch your TV anyway. Yeah. But I was going to be a little bit more centered to France in general. Yeah. So the news in France, but it's a little bit easier to get the news too. Yep. True. All right, should we go? Oui. And so tonight you're going to leave us early? Yes, indeed. Because he's leaving me alone. Ooh, ooh la la. Yeah. So the first song we're going to listen to is Nine in Common. It's a French band. They are doing electronic, and most of their tunes are either in English or instrumental. Mm-hmm. But this one is in French, and it's called Je vous aime. Oh, so there's not a lot of lyrics. I mean, you know, that's just it. But I thought I could sneak it in, and we don't play a lot of electronic. That's true. Then we're going to listen to a song called L'Arnaque, and it's from Aldebert. Ooh, oui. But it's featuring Oxmo Puccino and Youssoun Dour. Oh, cool. Yeah, I like him. And then we're going to listen to La Réalité from Amadou and Mariam, from their... Latest album called L'Eclipse. Oui. And there's a French version, an English version. I mean, of course, I kept the French version here, but it's interesting. Plus, for those who haven't bought the album, there's a lot of interlude. I mean, there's a lot of small skit where they talk about Amadou and Marianne's life, mm-hmm. career, the meeting, and things like that. So that's really cool. All right, on y va? Eh bien, c'est parti. All right. C'est un bien étrange rendez-vous qu'on vous a fixé noir sur blanc à grands coups. de quand tu seras grand. Les rêves, les cabanes, les dessins de château. Est-ce que devenir adulte éteint ces joyaux dont l'enfance et les craintes. Fuis ceux qui disent je suis trop grand pour ça. Ils veulent te faire boire des sottises. S'il y a le choix, c'est simple comme 1, 2, 3. Soit tu pleures, soit tu ris. Et si vous avez le choix, restez un peu sur le manège. Ne grandissez pas, c'est un piège. Si vous avez le temps, sous la mitraille du tic-tac, restez enfants, la suite est une arnaque. Je suis dans le secteur, ok. Un projet de belle vie à croquer. C'est pas les années, c'est le courage. Allez, lève-toi, quel que soit ton âge. Vas-y, trompe-toi, on a des sacs à remplir. Nous sommes tous condamnés à grandir. On mûrit pas comme on vieillit. Pour ça que l'amour doit rester ton pays. Chez les grands, on vous catapulte. Profitez de l'instantané. L'âge adulte, c'est pas de l'enfance fanée. Mais si vous avez le choix, restez un peu sur le manège. Ne grandissez pas, c'est un piège. Si, si vous avez le temps, sous la mitraille du tic-tac, restez enfant, la suite est une arnaque. Allez. Yes, papa. Restez le plus longtemps perché sur cette balançoire de fortune dont les cordes sont accrochées au croissant que forme la lune. L'enfance est l'unique voyage dont les pèlerins sont des rêveurs. Gardez la tête dans les nuages et votre enfance au fond du cœur. Pile râler là où le dieu de fausseur. Râler pour leur concédé. Râler pile là. Et si vous avez le choix, restez un peu sur le manège. Ne grandissez pas, c'est un piège. Si vous avez le temps, sous la mitraille du tic-tac, restez enfant, la suite est une arnaque. Allez pour l'enfant, c'est tête. Allez, il est là, on le tient. Restez un peu sur le manège. Ne grandissez pas, c'est un piège. Si allez pour l'enfant, c'est tête. Allez, il est là, on le tient. Sous la mitraille du tic-tac, restez enfant, la suite est une arnaque. Et voilà, voilà. Et voilà. We're back. Indeed. So what did we listen to? I forgot. Already? It's the age. Yeah, I know. And you know. But I'm glad you still make it into the studio, though. Yeah. that's good that we don't have to send someone after you. Yeah, who knows? Do you have a tracking device for your wife? Yeah. Okay. And one of those buttons that I push in case of, you know, if I fall or, you know. In case of emergency? Yeah. We just listened to three songs, and the first one was from a band called Nine in Common, and it's called Je vous aime. After that, it was Aldebert with L'Arnaque. How do you call that, L'Arnaque, in English? The con? Yeah, I mean, the movie was The Sting, yeah. L'Arnaque. Yeah, con, it's when you, when you're a con artist. Someone, yeah. Featuring Oxmo Puccino and... Yusundo. And then the last song was Amadou and Mariam with La Réalité. It's the version Eclipse. Voilà. It's Tuesday night and we are playing French songs. You listen to Bonjour Minnesota and One of these days, we're going to have some guests. I don't know. When? Who and when. Well, we talked to Dumont. To Dumont about it. Yeah. So he should come at some point. But you said you wanted to be here. So. Yeah, and I'd be gone for the next 2 weeks. Right. Yeah. And February is pretty heavy as far as theme is concerned. Because we typically celebrate Black History Month. Yeah. And there's also Valentine's Day, which is on a Tuesday. So that night will be Valentine's Day. So we'll see, but you know, we're probably going to do, I think that for the next 2 weeks, I still might keep on going with the 2022. Yeah. I think it's a good idea, but, different artists, different songs. I wouldn't pick, you know, from the same, the same albums. Singers. I mean, there were a lot of good albums that came out in 2022. Yeah. Everybody recorded in 2020 and 2021, and so now they even Michel Sardou, did he release his new one? I don't know that. I think it's in early 2023. But I've never been interested in Michel Sardou. No, so. But they say that, you know, his voice kind of left him, but he probably needs to pay his taxes. So. We'll play it, and if we don't like it, we will stop. Right in the middle of the song. Yeah. Knock him up. All right, so let's play more songs. The next song we're going to play is from Anaël, and it's called Nous, or Us. And it's featuring Adèle Castillo. Castillo. Pas Castillon. Oh, okay. I think there's an N. Okay. Well, there's no N on my list, but it could be a typo. And after that, he's going to be Oscar Anton. Or Anton, featuring Voyou, and the name of the song is Si Rose. So rose, so pink. Oh, another cirrhosis. Not the cirrhosis. It's not about drinking. Okay. And the last song is going to be Arnaud, and we played it last year because Arnaud died. He passed away in 2022. Belgium singer, and this is a duet with Stromae. Live at the Ancienne Belgique, and it's Putain Putain. Ah, ben voilà. So, we're going to listen to that, and we'll be back after that. Eh ben, c'est parti, mon titi. On y va. ensemble jusqu'au bout. Nous sommes liés maintenant. Tu peux plus te défier. Non, je l'interdis. Non, je l'interdis. Non, ensemble jusqu'au bout. Nous sommes liés maintenant. Tu peux plus te défier. Non, je l'interdis. T'es loin d'elle, elle s'éloigne seulement de toi. C'est les choses les plus belles qui nous glissent des doigts. Mais sa vie sans toi, c'est pas la même chose. Ces jours-ci, crois-moi, c'est pas si rose. Traverser la vie, dire à demain et puis ne jamais revenir. Te laisser sans le dire, attendre un peu et puis te regarder partir. Avec ou sans toi, c'est pas la même chose. Non, la vie sans toi n'est pas si drôle. Thank you. suis pas un nationaliste, je ne suis pas un cycliste, j'ai trop fort pour être un nudiste. Comme j'ai déjà dit, j'aime les zizi. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. L'homme d'aide de tout fabène, car les clés je m'en chie. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous. And the poor may be poor, they all have the holes and the noise. Bye bye Brexit, bye bye Brexit, I'm still only eating fish and chips. Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. We've become numb to the fact that hundreds of people every day in the United States are dying of COVID disease. Why would you risk your child's life when you can get a vaccine and decrease that risk? COVID-19 has affected everyone, but the pandemic has had an especially uneven impact on BIPOC and queer communities. COVID really jacked us all up. It really jacked us all up. So I'm like, I just really want to be different coming out of this. And what does that feel like? What does that look like? What does that sound like? KFAI's Wellness Signal showcases stories from these communities, amplifying the voices of trusted leaders and sharing important healthcare information. With 7,500 women who had the vaccine, 7,500 who didn't, all of whom were pregnant, they all had happy and healthy babies, and good news was the vaccine showed to be effective. Billions of people have taken the vaccine. It has saved many, many lives. Find the Wellness Signal on KFAI at kfai.org/wellness signal. Et voilà. Voilà, voilà. Three more songs. Yes. Still with Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is, we have Romain. And Freddy. Et voilà. And we'll be back next week. We're here every week, 8 to 10 p.m. Central. And if you miss us, we are on archive.org or on kfai.org for the archive. Mm-hmm. So you can always listen to us at a different time. And we just listened to three songs. So the first one was from Anaël, and it was called New, featuring Adèle Castillon. And then after that, it was Oscar Anton, or Anton, avec Six Roses, featuring Voyou. And the last one was Arnaud, featuring Stromae, with Putain, Putain. And it was live at the Ancienne Belgique, which is a very well-known venue. Venue. Mm-hmm. Yeah, that's what I was looking for. In Belgium. I'm assuming it's in Brussels, but I'm not... I'll check it out sometime. Yep. All right. And we're going to listen to more music because tonight we're still celebrating 2022. People, you know, coming out with songs or album for 2022. We're going to listen to Aya Nakamura with a song called VIP. Ah oui. Ou VIP. Very important person. Oui. That's the French version. Mm-hmm. but after that, it's going to be Anisha with De Là-Haut, and it's from Star Academy. And then Amel Bent with Où Je Vais, featuring Camélia Jordana and Vita. Mm-hmm. All right. Ah, that's a good song. Yeah. All three, right. Three ladies. On y va. C'est parti. Oh, presque. I have to get the volume up. Oh, oui. Avant j'étais dans le social, j'ai changé, c'est plus trop la tendance. Y'a des gos qui parlent que sur moi. C'est bizarre, moi je te connais même pas. Tu m'imites mais peux pas dépasser. Je suis l'égérie de ta vie, ma chérie. Elle se demande pour qui je me prends. L'égérie de ta vie, ma chérie. VIP, bon gros soleil, je les croyais. Tchin tchin, j'ai les yeux qui brillent. Tu peux parler, je suis trop haut des pieds. J'suis trop VIP. Dans ma vie, j'fais que les gros yippies. Gros yippies. J'suis haut des pieds. Si t'as rien à m'apporter, j'suis pas ton cala, viens pas gratter. Tu veux tout faire pour me piquer. Raté, tu peux pas me toucher. On m'a déjà beaucoup déçu. Tu vois pas que j'maîtrise le vice. Tous les yeux sont rivés sur moi. Tu peux tout essayer, non, non, tout sera sans effet. VIP, bon gros soleil, je veux les gros yippies. Tchin tchin, j'ai les yeux qui brillent. Tu peux parler, j'suis trop haut des pieds. J'suis trop VIP. Dans ma vie, j'veux que les gros yippies. Gros yippies. J'suis haut des pieds. Mon ego m'a dit, c'est pas la femme. Te mélange pas si c'est pas la femme. Aladdin, donc j'écoute Aladdin. VIP, bon gros soleil, je veux les gros yippies. Tchin tchin, j'ai les yeux qui brillent. Tu peux parler, je suis trop haut des pieds. Je suis trop VIP. Dans ma vie, je veux que les gros yippies. Gros yippies. Je suis haut des pieds. J'ai compté, j'ai perdu. avec toi, j'ai tout vu, mais j'ai vécu. Entre tes doutes et mes craintes, tant de mensonges et de feintes, mais sais-tu seulement comment m'attendre? Oui, de là. Quel je vais. Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil. Et je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Non, et voilà. Et voilà, voilà. So, where did we listen to? Well, we have three songs. The first one was from Aya Nakamura with VIP. Mm-hmm. VIP. It was from the Energy Music Award. Mm-hmm. Then Anisha with De La O, and it was from Star Academy. And Amel Bent, and that was the W9 Hits compilation. And W9 is a channel that belongs to the to M6, okay. And it's M6 but upside down. Okay. W9. Mm-hmm. Well, that would be 9W then. Yeah, I know. But they do what they want. After all, it's their channel. And there was so the name of the song was Où je vais, where I'm going, and it was featuring Camélia Jordana and Vita. All right. Très bien. Good selection. Yeah. Oh, thank you. And last week we went to La Galette des Rois. Mm-hmm. At the Alliance. At the Alliance. That was a great event. Yeah. La Galette was good too. Yeah. Lots of people. Yeah. It was fun. Yep. So they're going to do more events too. Then we're going to listen to more songs. The first one we're going to listen is from a band we don't listen very often because they are a little bit like reggae and ska. Mm-hmm. But most of their songs, I'd say like 90% are in English. Mm-hmm. So I play them in French influences. Yeah. But not that much in Bonjour Minnesota. So Big Air Ranks, and the name of the song is Montpellier, mm-hmm. featuring Blondetto. And after that, we're going to listen to Bigre, and the name of the song is Le Temps de l'Amour, and it's a cover, you know, from the old song, mm-hmm. Le Temps de l'Amour, featuring Céla Carmeli, mm-hmm. and Black M with On va yéké yéké. Okay. And featuring Amaya and Marisha. Mm-hmm. And it's an homage at, not Torikunda, Morikante. Oui. Who passed away not long ago. Yeah, well, not like in 2021, I think. Yeah. Not long ago. Two years is not long ago. No, that's true. I would say, compared to the fact that I'm 50. Yeah. And we're going to listen to that and we'll come back. And Le Temps de l'Amour, was it a Françoise Hardy song? I think so. And that just brings me to something that I wanted to mention. Rolling Stones magazine released a list of the 200 top singers ever. Okay. And there's only one French artist, and that's Françoise Hardy. Is it? Yeah. And actually, when you think of all the hits she made, that's pretty impressive. She was really big in the 60s. Yeah. I mean, at the time of the Beatles and stuff, mm-hmm. It was crazy because of the Beatles and the Stones, but she was completely part of that. Oh, yeah. Especially outside of France. Mm-hmm. Yeah. So. And Céline Dion didn't make the cut. Okay. And I'm just saying that because there's another artist, and I kind of know his song, but his last name is also Dion. Okay. And he was like number 164 or something like that. And people from Quebec first saw that and were thinking, oh, Céline Dion, she's only 164. She's not even in the top 200, and that's somebody else whose last name is Dion. Yeah. Or Dion. I don't know what, you know. Exactly, right. But I think he sings in French. I think I've read something in the news saying that there were some fans protesting at Rolling Stone, went to Rolling Stone magazine and protesting the fact that some their favorite singer was not in the list. Mm-hmm. But I don't remember who it was. Yeah. All right, on y va? Eh ben, c'est parti. Okay. Yeah. J'roule deux, trois cocotiers sous le soleil de Montpellier. Poteau, la vie te prend du mauvais côté. T'appuies les pieds sur terre, on va te rempoter. J'suis sur la 6, sur la 10, oh yeah.

à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. C'est que je remercie le ciel. J'ai peur de me faire du mal, j'ai peur de te dire que je t'aime. Mon cœur ça ne bouge pas comme à l'ancienne. Malgré toutes les épreuves, je suis resté le même. J'ai failli perdre la raison, j'ai failli quitter la maison. Si tu me poses la question, demande au temps et à la réponse. Yeah, keke, oui notre amour est scellé. Yeah, keke, ni mo, yeah, ke, yeah, ke. Pané sous la même étoile, mais je t'aime toujours pareil. Je serai dans le même état, dans un monde parallèle. J'ai de la chance de t'avoir, sinon personne peut me raisonner. Sans toi, j'aurais pété les plombs et fini par m'isoler. Sans compter t'aimer, quand toi fâché, moi peiné. Tout comme Zepek et Benet. Parfois je veux juste appuyer sur pause, histoire que le temps s'arrête avec toi. Loin de tout seul au monde, en chantant yeke yeke. J'ai failli perdre la raison, j'ai failli quitter la maison. Si tu me poses la question, demande autant et à la réponse. Bané sous la même étoile, mais j'aime toujours pareil. Je serai dans le même état, dans un monde parallèle. J'ai de la chance de t'avoir, sinon personne peut me raisonner. Sans toi, j'aurais pété les plombs et fini par m'isoler. Oh. Yeah, yeah, yeah, dis-moi, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We are back with three songs, as always. And now I'm all by myself with Freddie, who just left. So let me just, I need to put a little more volume on my mic. So we listened to three songs, as I just said, with the first one by Bigaranx with Montpellier featuring Blundetto. Then Bigre, and that was a cover with Le Temps de l'Amour featuring Celia Kameni. And then On va yeke featuring Amaya et Maisha by Black M. And you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Okay, so we are going to listen to three more songs, as always. And we're going to start with Bleu Toucan. With Ma Plus Belle Aventure, my best adventure. And those songs are still from 2022. Then we're going to listen to La Bronze with a song called Briller or To Shine. And then Cali with Lâche Pas, Don't Give Up. So we're going to start with Bleu Toucan with Ma Plus Belle Aventure. Si souvent, j'avais des envies de géant, de prendre le large comme Magellan, à la conquête des océans. Et quand s'étiolaient ces espoirs, mes rêves dérivaient dans le noir. Quand soudain s'alluma beau comme un phare, ta lumière, ta vie, ton histoire. Ballon. je veux briller comme tous les beaux pas maquillés. Je veux briller comme les étoiles à la télé. Je veux briller, je veux briller. Je veux briller, je veux briller le feu. Et voilà, we are back after, again, three songs. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFA Radio. In Minneapolis, St. Paul on 90.3 FM and also streaming online. And if you miss our shows, you can find it on archive.org and also on kfai.org. So we listened to Bleu Toucan with Ma Plus Belle Aventure, followed by Briller by La Bronze, and then Lâche Pas by Cali. Let's talk for a minute. It may not even be a minute because there are very few of them of the events for the following week or two. And first one is tomorrow, so Wednesday at 7 p.m. at the Alliance Française. There's Les Navigateurs de la Littérature. Looks like it is an online event, and the book discussed tomorrow is Un été dans l'Ouest by Philippe Labro. Excuse me. Then it's another online event, but by IT Outreach, and it's on Thursday at 7 p.m., so the 12th, and it's the Lacay documentary screening. And it is an online event. And if you're interested, you can go to our Facebook page, Bonjour Minnesota, and the event is listed under events. And I mean, it will be next week, but on January 19th, Thursday, there's the Apéritif en Français, organized by the Alliance Française at the University Club on Summit Avenue in St. Paul. And that will be Thursday, January 19th. So it's in 10 days, 9 days at 6 p.m. But we will talk about this event next week. So, how about listening to more music from 2022? I mean, there's nobody else in the studio who can say no. So, yes, we are going to listen to three songs. The first one will be by La Caravane Passe. Well, actually, it's the title, La Caravane Passe by Maria Kalash featuring Alama Dill. The artist is La Caravane Passe. I think that's what I said first. And the song is Maria Kalash featuring Alama Dill. Then Louis Chédid, who released a new album in 2022. That's, you know, M's father. The song is On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. You never say to people you love, you never say enough people you love that you love them. That's actually the title of the album. And then we're going to listen to Christine and the Queens with La Claire Fontaine, which literally means the clear fountain water. But that's also a reference to a well-known, like nursery rhyme. Or actually, it's a song for kids. It's not really a nursery rhyme. À la Claire Fontaine. All right, so we're going to start with La Caravane Passe. Let me go to it. Voilà. Kalash. Maria, Maria Kalash, fais-moi la guerre, fais-moi l'amour. Maria, Maria Kalash, chasse la vipère, chasse le vautour. Maria Kalash aime le clash. Elle va de port en port étancher sa soif. Elle fait chanter les porcs, elle fait valser les vaches. Elle balance les corps sans laisser de traces. Maria, Maria Kalash, fais-moi la guerre, fais-moi l'amour. Maria, Maria Kalash, chasse la vipère, chasse le vautour. Maria Kalash chasse comme une apache. Les machos, les chacals, chacals, les chiens, les peaux de vache, les bons, les brutes et les truands, elle les piétine tendrement. Maria Callas, championne de catch. Maria, Maria Callas, fais-moi la guerre, fais-moi l'amour. Maria, Maria Callas, chasse la vipère, chasse le vautour. Maquillage de guerre, peinture malgache, elle chasse le gibier sans relâche. Les macros, les proxos et les primates, acariens, moins que rien, les acariates. Les cowboys, les batteurs et les sales types, les pervers, pépères, narcissiques. Les frotteurs, les ordures, les durs à cuire, elle les change en lapin et puis les tire. Calache, fais-moi payer cash. Les inégalités, qu'importe le match. Mais il faut que tu saches que dessous ma moustache se cache une autre place pour toi, ma calache. Maria, Maria Calache, fais-moi la guerre, fais-moi l'amour. Maria, Maria Calache, chasse la vipère, chasse le vautour. Ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y a qu'une chaleur. Mais de là on fait des phrases, trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner quand on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe. Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un sombre sans vous autour, vous tous autour. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner quand on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important, la raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on ne serait même pas la moitié. So we listened to three songs. The first one was by La Caravane Passe with Maria Callas featuring Alamadil. Then Louis Chédid with On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. And that's on his latest album where he actually covered, if I may say so, some of his most famous or popular songs with only piano and voice. And the piano, that was Yvan Cassar, who's one of the most respected musicians, composers, orchestra conductors, arrangers, producers in France. He was for a long time the music director of Johnny Hallyday, and he would, you know, make all the arrangements for Johnny Hallyday's records and concerts. And the last one was Christine and the Queen, which is with his, you know, with her, well, actually his new project, Red Car, and the song was La Claire Fontaine. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, and this is Romain, and I'm all alone. Freddie had to leave. And well, but we are here for another 37 minutes, and we're going to listen to great music. And we're going to start with Claire, and the song is Tout est dans la tête, Everything's in Your Head. Then Cœur de Pirate with On s'aimera toujours, We'll Always Love Each Other. And then Dajou with Mon Soleil, My Son, featuring Anita. So let's start with Claire with Tout est dans la tête. 3, 2, 1. Arrête tes conneries, viens jouer avec moi. Arrête tes soucis, n'existe pas. Tout est dans la tête, tu le répètes. Fais-toi couper la tête, fais-toi couper. Tout est dans la tête, c'est n'importe quoi. Et l'intestin, le petit doigt. Tout est dans la tête, donc aux étoiles. Donc aux étoiles, c'est déjà pas mal. Regarde un peu l'herbe qui pousse. Le temps de le dire, elle grandit, elle pousse. J'aime être stone, stone avec toi. Faisait bien à toi. Et sous cette lumière éclairante, on

at the Cedar Cultural Center, starting Friday on January 20th, 7 p.m., and ending on Saturday, January 21st at 11 p.m. Minneapolis Grown Not Grows is part benefit concert, part art project, part community event. Now for the eighth offering, more than 60 acts will rotate on and off the stage to create a single, uninterrupted, 28-hour drone to protest the extrajudicial and immoral drone program and to raise money for the victims of the United States military-industrial complex. KFAI will also broadcast the entire 28-hour performance live from the Cedar. Tickets for Drone Not Drones, The Return can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà, nous sommes de retour. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Romain. And so we listen to three songs with Claire, with Tout est dans la tête. Then Cœur de pirate, On s'aimera toujours. And the last song was by Dadju with Mon Soleil featuring Anita. It is 9:35. In 25 minutes will be Balkan Jamboree. Nikolai will not be in the studio, but Elmer should be covering for him. So Elmer, if you're around, I'm here. So we are going to listen to three more songs. And the first song will be by Lou de la Falaise with Je suis cool, I'm cool, which is true. Then Pierre de Mer, who's actually one of my daughter's favorite singers. He's a young Belgian singer. And the song is J'aime, J'aime. I love. And the last song of the series will be Eddie de Preto with Pause, featuring Isolt. Let's start with Lou de la Falaise. Habite lèvres, fais-moi du chiffre. ça te les rend. Mais pour te former il faut du sous. Pourquoi tu parles dans tes délires? As-tu oublié qui te fait vivre? Si t'as une requête, parle-en. À l'assistant, l'assistant, l'assistant, mon assistante. J'aime, j'aime, j'aime quand tu cries. Et quand tu cries mon nom dans tout Paris. J'adore quand tu poursuis. Tu poursuis mes pas dans toute la nuit. Et t'as mal, si mal, si mal. Pourtant t'as pas idée, tellement d'autres auraient rêvé. Ma vie est chez Gucci, j'en ai les bien plus bonnes, c'est pas la plus jolie. Tu mènes une vie de star sans travailler le cas. Pourquoi tu pars dans tes délires? As-tu oublié qui te fait vivre? Si t'as une requête, parle-en. À l'assistant, l'assistant, l'assistant, mon assistante. J'aime, j'aime, j'aime quand tu cries. Et quand tu cries mon nom dans tout Paris. J'adore quand tu poursuis. Tu poursuis mes pas dans toute la nuit. Bonjour, vous êtes en contact avec la boîte à messages de Pierre Demar. Enregistrez votre message après le signal sonore. J'aime, j'aime, j'aime quand tu cries. Et quand tu cries mon nom dans tout Paris. J'adore quand tu poursuis. Tu poursuis mes pas dans toute la nuit. Y faire face, je préfère me fuir, me fuir. Jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire, ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir, me mentir. Être une chose qu'une chose. On nous dit tenir toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis tu fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut je viendrai les sécher. Un fond de tristesse qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher, mais tu sais, toi tu connais comment ouais, je suis épuisé. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule

Pas de rendez-vous samedi soir sur la terre. Y'avait trop de place, pas d'âme qui vive. Le monde était vide. Aucune limite, personne à séduire. Tu connais la suite, je vais quand même la dire. C'est l'origine et ce sera l'avenir de l'humanité. Vive la moustache, ce petit coup de hache auquel on s'attache plus qu'on ne s'habitue. Vive la moustache et la reine des moustachus. Vive le culot et la moustache de Frida Kahlo. Se poiler au lapin agile, agile à sauter du chapeau. Les chapeaux des mille ans s'empilent sur des rythmiques épidermiques, laissant entrer avec classe l'ombre de la moustache. Ce petit coup de hache auquel on s'attache plus qu'on s'habitue. Vive la moustache et la reine des moustachus. Vive le culot et la moustache de Frida Kahlo. Ce petit coup de hache auquel on s'attache plus on s'habitue. Vive la moustache et la reine des moustachus. Vive le culot et la moustache de Frida Kahlo. Moustache en chevron, en croc, en guidon, à la mexicaine, en morse, en fer à cheval, à l'impériale, anglaise, naturelle, postiche, en trait de crayon, en brosse à dents. Et voilà, we listen to three more songs. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. And we listen to Vincent Delerme with L'amour en fuite, followed by Deluxe with Moustache Gracias, featuring La Rue qui est à nous, and Guilhem Desk with À l'abordage. And it is 5 to 10. We are still waiting for Elmer in to report to Studio 4 to cover for Nikolai with Balkan Jamboree. But until then, we are going to listen to more French songs. The first one will be Je Joa with Cœur Béton or Concrete Heart featuring Lieutenant Nicholson. Then Dombrance with Pompidou, featuring Sarah Rebecca, and Dominique A with Désaccord des éléments. And otherwise, I will say bonne nuit, bonne soirée, bonne semaine, and be sure to tune in next Tuesday at 8. Freddy will be in the studio, maybe with Adrien. I will not be here. And but Bonjour Minnesota will be. So bonne nuit and à bientôt.